On se disait je t'aime et on parlait de paix. Aujourd'hui c'est la haine, okay. Accompagné de peine, avant on s'entraidait. C'était la solidarité, maintenant on reste cloîtré. Et puis le solitaire est né. On refaisait le monde avec une clope et un café. Et puis on jouait aux cartes, okay. On avait le droit de s'amuser, on avait tous le choix de voter pour un mec bien. Mais aujourd'hui t'as la télé, t'es au moins sûr qu'il te voit bien. J'avoue je suis nostalgique avant l'époque de la rupture, là où tous les riches et les pauvres se sont promis de la torture. Mais avant on pensait pas que l'argent aurait cette force, qu'elle pourrait changer un homme sans lui faire pomper le torse. Elle nous a corrompu, a fait penser que c'est utile, okay. Une voiture dans le garage plutôt qu'un sou pour la famille. Qui connaît le mot famine, qui est fier de ses racines, mais qui voit tout son racisme sur l'Afrique qui se dessine. On avait tous les droits, au fond c'est nous le peuple. C'est à nous de faire le choix de décider qui est le même. Choisir qui est le nôtre qui parlera au nom de tous et qui étouffe le national pour mettre sur le banc de touche. Révolutionnaire, militant pour la paix, Babylone sera jugé pour tous les faits qu'on lui connaît. Et on refait le monde, frère, assis dans le canap, ok. Les sticks, on les enchaîne, et quand on sèche, on les rattrape, Morale dans les chaussettes, on parle de mondialisation. On parle d'en fait, car peu de gens dans l'interrogation. On parle de guerre entre nous, de sionisme entre nous. Tous ces racistes nous poussent à bout, mais on tiendra le coup. On tente parfois, révolutionnaires que nous sommes, à en parler aux gens, à prendre au fond ce que c'est un homme. Mais on nous a tout pris, nos pensées et notre histoire. Car aujourd'hui, tout a un prix, c'est celui de la victoire. Alors ensemble, on prie et on écrit à l'encre noire. Car en dépit du désespoir, on a envie de croire. Comment être aussi lâche, ne pas voir l'importance. Se mater dans la glace reste la plus grande de toutes les chances. Mais comment réfléchir, ce monde nous abrutit. On ne voit plus de paix mais que des gens qui perdent la vie. On avait tous les droits, au fond c'est nous le peuple. C'est à nous de faire le choix de décider qui est le même. Choisir qui est le nôtre qui parlera au nom de tous et qui étouffe le national pour mettre sur le banc de touche. Révolutionnaire, militant pour la paix, Babylone sera jugé pour tous les faits qu'on lui connaît. Et on refait le monde. On parle aussi de nous, j'ai des problèmes comme tous les autres que je m'impose et qui me poussent à bout. Mais nous on prend le temps, on cogite sur soi-même. On n'a pas peur du lendemain en brûlant le système. On craint pas la police armée de vérité. J'ai la justice de mon côté, pas des lois inventées. On pense avec nos cœurs, et toi ton portefeuille. Celui qui pense avec l'argent finira par son deuil. On avait tous les droits, au fond c'est nous le peuple. C'est à nous de faire le choix de décider qui est le même. Choisir qui est le nôtre qui parlera au nom de tous et qui étouffe le national pour mettre sur le banc de touche. Révolutionnaire, militant pour la paix, Babylone sera jugé pour tous les faits qu'on lui connaît. On avait tous les droits, au fond c'est nous le peuple. C'est à nous de faire le choix de décider qui est le même. Choisir qui est le nôtre qui parlera au nom de tous et qui étouffe le national pour mettre sur le banc de touche. Révolutionnaire, militant pour la paix, Babylone sera jugé pour tous les faits qu'on lui connaît. C'est eux qui se disent la gueule, c'est nous qui avons l'ivresse. Mais c'est l'État qui obéit au peuple et pas l'inverse.